Ça marche bien ta boutique en ligne pour les fêtes ? Bah tellement bien que je cours partout pour livrer mes colis à temps. Passe par Colissimo Facilité. Tu imprimes chez toi les étiquettes d'affranchissement et si tu le souhaites, la poste peut même passer récupérer tes colis. C'est très facile. Découvrez Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne de La Poste dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de moins 10% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignements au 3634 ou à La Poste. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la mission Apollo-Soyuz Test Project. Certes, elle marque le début de la fin d'un rêve, celui de la conquête humaine de la Lune qui s'est arrêtée 2 ans et demi auparavant avec Apollo 17. Désormais, on va tourner autour de la Terre et perdre le côté pionnier, aventure, mais pour d'autres bénéfices. Mais en juillet 1975, 30 ans après le début d'une course effrénée à l'espace, les deux superpuissances américaines et soviétiques, alors engluées dans une guerre froide qui n'en finit pas, décident de mettre de côté leurs différends et de s'engager ensemble dans la voie de la coopération spatiale, qui fut pourtant l'un des espaces, c'est le cas de le dire, de concurrence principaux entre les deux grands, comme on disait à l'époque. Ainsi, durant plus de 3 ans, des équipes d'ingénieurs, d'astronautes et de cosmonautes des deux pays vont travailler main dans la main pour mettre au point une mission qui va permettre de poser les bases de la coopération spatiale que nous connaissons aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui, Michel Tonini, ancien spationaute de l'Agence spatiale européenne. Il a volé à bord de la navette spatiale américaine, de la fusée russe Soyuz et séjourné dans la station Mir. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Kuhn. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Yeah. Apollo Houston, I got 2 messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Have fun. All righty, sounds good. Soyuz docking system is ready. Coming, Tom. I am approaching Soyuz. Tom, please don't forget about your engine. Less than 5 meters distance. 3 meters. 3 meters. L'aventure spatiale est aussi une aventure du son fascinant. Nous sommes le jeudi 17 juillet 1975. Il est 19h07. Nous sommes à 230 km d'altitude. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, l'astronaute expérimenté Thomas Stafford, qui a fait merveille sur Gemini 9 et Apollo 10 quelques années auparavant, est aux manettes de la capsule spatiale américaine Apollo. Parti 2 jours plus tôt de Cap Canaveral en Floride, Stafford, flanqué de ses collègues Slayton et Brandt, sont sur le point d'effectuer l'une des opérations les plus importantes de cette mission qui les a conduits au-delà de l'atmosphère terrestre. Installé devant un joystick de commande, Stafford entame une manœuvre périlleuse. À travers un écran de contrôle, il fixe sa cible avec une extrême concentration. Même pour ce vétéran de l'espace, cette manœuvre-là est une première. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un module lunaire ou une autre capsule américaine qu'il s'apprête à capturer. Non. Cette fois, c'est un vaisseau soviétique, Soyuz en l'occurrence, qui va s'amarrer. À quelques mètres de là, à travers son hublot, le commandant russe Alexei Leonov, qui avait réussi la première sortie humaine dans l'espace en 65 sur Vostok 2, observe la manœuvre avec attention. C'est lui qui commande le Soyuz auquel Apollo doit venir s'arrimer. Oh, ils ont beau avoir répété cette opération des centaines, peut-être même des milliers de fois. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Car sur Terre, des centaines de millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur leurs écrans de télé, presque aussi fascinés que lors des premiers pas d'Armstrong et Aldrin sur la Lune. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un exploit technique et une première mondiale qui se déroule devant nous. C'est aussi un événement géopolitique sans précédent. Car à travers cette rencontre spatiale, ce sont les deux grandes puissances mondiales, embourbées dans une interminable guerre froide, qui mettent en œuvre le premier programme de coopération spatiale de l'histoire. Le terme, imagine-t-on alors, d'une course effrénée à l'espace débutée 30 ans plus tôt. Celui-ci, le bras cassé, c'est l'inventeur du V2 qui a tué plusieurs milliers de civils. Une course qui commence réellement en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on se prépare à la réunification des fronts de l'Est et de l'Ouest sur l'Elbe, certains militaires américains et soviétiques prennent la direction de Peenemünde, au nord-est de l'Allemagne, sur les bords de la mer Baltique. Car c'est là que se trouve la base de recherche et de lancement d'une arme destructrice utilisée par les forces allemandes, le V2. Un missile balistique révolutionnaire, plein de promesses. Il arrive parfois que des rêves commencent comme des cauchemars. En 1943, notre cauchemar s'appelait le V1. Un peu plus tard, pour tuer plus de monde encore, on inventa le V2. En l'entendant passer au-dessus de leur tête, les Londoniens ne pensaient certes pas au voyage dans la Lune, et pourtant ils ressemblaient déjà comme un frère à une fusée. Pour la science, il n'y a pas de science-fiction. Les rêves des savants sont déjà la réalité de demain. Car elle est bien là, la promesse du V2. L'espace, qui n'est encore qu'un rêve, mais dont tout le monde pressent l'importance que sa maîtrise pourrait avoir dans le futur. On imagine déjà des satellites de télécommunication ou d'observation capables de photographier par-delà les frontières. On pense aussi à envoyer l'homme dans l'espace, à l'y faire séjourner et, pourquoi pas, y placer des armes pointées vers la Terre. Pour s'assurer de faire main basse sur les technologies et les cerveaux allemands, les Américains sont les premiers à agir. Ils mettent sur pied une gigantesque opération d'exfiltration baptisée Paperclip. Durant plusieurs mois, ce sont des centaines de scientifiques allemands qui sont envoyés sur le sol américain. Et parmi eux, le concepteur du V2, Werner von Braun, l'ingénieur en chef, qui se voit confier la direction du tout nouveau programme spatial américain. Sur le vieux continent également, on s'intéresse aux promesses du V2. Soviétiques, britanniques et français, tout le monde tente de récupérer une part du gâteau. Mais c'est bien entre les deux grandes puissances sorties vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale que la course aux étoiles se dessine. Les prémices de la guerre froide se font à peine sentir que l'on sait déjà que l'espace sera l'un des enjeux de cette opposition latente. Mais pour cela, encore faut-il parvenir à s'y rendre. Grâce à une technologie déjà bien avancée, mais aussi grâce à leur prise de Peenemünde, les Soviétiques parviennent à prendre l'avantage. Un avantage conséquent. Ils réussissent rapidement à faire décoller des fusées, et très vite, les responsables de la Cité des sciences de Moscou pensent qu'il est temps d'embarquer un passager. Mais d'abord, le 4 octobre 1957, les Russes envoient un satellite en orbite, une première mondiale. Une petite boule en métal de moins de 100 kilos qui fait bip-bip et qui est baptisée Spoutnik. Compagnon de route, en français. C'est évidemment le satellite artificiel lancé par la Russie qui a l'honneur de la manchette, n'est-ce pas, Fernand Lotte? Avons-nous des renseignements depuis hier? Nous avons une pluie de nouvelles de toutes les parties du monde, n'est-ce pas? Et j'en cueille quelques-unes un peu au hasard, parce qu'il y en a tellement. La radio de Moscou, par exemple, a déclaré que dans un observatoire des environs de la capitale, le satellite avait été observé sur les écrans de radar 4 fois au cours de la nuit. Alors, vous pourriez peut-être vérifier à notre centre d'écoute de Limours, alors, si on a toujours l'écoute. Appelons Limours. Allô, ici Limours qui vous envoie le satellite. Tout au moins la réception du satellite. Oui, le satellite, évidemment, a quitté le ciel de France depuis un certain temps et on l'entend tout de même toujours par conséquent. On l'entend de façon sporadique. Oui, enfin, en ce moment, vous l'entendez. C'est lui que nous entendons, en direct. En direct, c'est vous, lui, que vous entendez. Il y a 5 minutes, nous n'avions aucune réception. Oui, eh bien, c'est toujours aussi sensationnel. C'est un petit bip pour l'homme, mais un grand pas pour la conquête spatiale. La mise en orbite de Spoutnik marque le début d'une toute nouvelle ère. L'espace n'est plus qu'un simple rêve, c'est maintenant une réalité. Dans le camp occidental, en revanche, c'est la panique. Les tensions entre les blocs de l'Est et de l'Ouest sont toujours aussi fortes, et le message envoyé au monde par l'URSS ne doit pas rester sans réponse. Résultat, quelques semaines plus tard, les Américains répliquent et envoient aussi leur premier satellite en orbite. Celui-là est baptisé Explorer One. Mais durant 10 ans, les Américains ne font que courir derrière l'avant soviétique. Presque toutes les premières fois sont russes. Premier être vivant dans l'espace, une chienne, Laïka. Premier survol de la Lune. Première photo de notre satellite naturel. Premier homme en orbite et première femme, Valentina Tereshkova. Ou encore, premier homme à réaliser la sortie dans le vide spatial, Leonov, on l'a dit. Et à chaque fois, les Américains sont distancés. Dans cette course aux étoiles, où les progrès scientifiques et technologiques cachent aussi un développement de l'arsenal nucléaire, la défaite américaine est cuisante. Alors, pour parvenir à reprendre les devants, la NASA doit imaginer un programme spatial encore jamais réalisé par les Soviétiques. Un programme ambitieux qui fera rêver les foules, permettant au passage de justifier les milliards de dollars de budget public alloués à l'agence spatiale américaine. C'est le 12 septembre 1962 que le président américain John Kennedy expose ce projet au monde. Devant les étudiants de l'université de Rice, à Houston, au Texas, il affirme haut et fort son objectif, la Lune. L'exploration de l'espace va continuer, que l'on y participe ou non. Et c'est l'une des plus grandes aventures de notre temps. Et aucune nation qui prétend être leader des autres nations ne peut être distancée. Certains se demandent pourquoi la Lune ? Pourquoi en faire notre objectif ? Ils pourraient tout aussi bien se demander pourquoi gravir la plus haute montagne ? Pourquoi 35 ans plus tôt voler au-dessus de l'Atlantique ? Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et relever d'autres défis. Non pas parce que c'est simple, mais justement parce que c'est dur. Parce que ce défi, nous l'acceptons et nous comptons le gagner. Marcher sur la Lune. Il n'en faut pas moins pour faire oublier que l'Amérique est en train de perdre la course spatiale pour l'instant. Alors que la tension est à son comble. Et que la crise des missiles de Cuba va bientôt risquer de faire basculer le monde dans l'apocalypse nucléaire, voilà une ambition, la Lune, qui pourra redorer le blason de la NASA et envoyer un message fort aux concurrents soviétiques. Mais si l'objectif fait rêver, il est loin d'être simple à atteindre, évidemment. D'abord, il faut concevoir une fusée puissante, capable d'emmener les astronautes vers la Lune et de les ramener sur Terre. Il faut aussi mettre au point un module pour se poser sur le sol lunaire et ramener les astronautes à bon port. Le monde entier suit avec passion l'avancée de ce programme. Des premiers vols habités à bord de la capsule Apollo jusqu'aux premières orbites lunaires, tous regardent avec ferveur les progrès de la NASA. Eagle Houston, it's descent to fuel to monitor, over. Altitude 5200 feet. Okay, flight controllers, gonna go for landing. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Roger, anything. Go for landing. 3000 feet. Malgré l'interminable liste de défis, il ne faut que 8 ans pour voir Neil Armstrong effectuer ses premiers pas sur la Lune. Une apothéose qui, d'un seul coup, relègue les exploits soviétiques au rayon des souvenirs enfouis. La surface lunaire semble être composée d'une très fine couche. Presque comme de la poudre. C'est vraiment très fin. Je vais maintenant descendre du module lunaire. C'est un petit pas pour l'homme. Un bond de géant pour l'humanité. France Inter, Affaires sensibles. Au début des années 70, les deux concurrents engagés dans la course à l'espace s'essoufflent. Côté soviétique, même si l'on continue de suivre la feuille de route et de développer des stations orbitales avec le programme Salyut, salut en français, l'argent commence à manquer. Du côté américain, les coûteuses missions lunaires ne passionnent plus les foules, et le bourbier vietnamien dans lequel sont empêtrés les GIs détourne les regards. D'un point de vue diplomatique, également, la situation change. Lors de son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 69, Richard Nixon annonce qu'il veut dialoguer avec l'URSS de Brejnev. Malgré les milliers de missiles nucléaires pointés de part et d'autre de l'Atlantique, les deux chefs d'État sont des pragmatiques et semblent vouloir trouver un terrain d'entente. Si les questions qui préoccupent le monde sont la guerre du Vietnam et évidemment celle de la menace nucléaire, l'espace se retrouve aussi au centre des discussions et l'idée d'une coopération dans le domaine spatial commence à faire son chemin. D'ailleurs, ça n'est pas la première tentative. En décembre 62, quelques semaines seulement après la crise des missiles de Cuba, Kennedy et Khrouchtchev annonçaient la signature d'un accord concernant l'échange de données satellites météo et l'étude du champ magnétique terrestre. On n'en avait pas encore imaginé un vol commun. Mais tout de même, ces avancées dans un domaine aussi stratégique que l'espace constituent un événement. Notons que cet accord tient surtout grâce à l'entente et la volonté de deux chefs d'État. Alors, l'assassinat du président Kennedy en 63 à Dallas et le remplacement de Nikita Khrouchtchev en 64 mettent un terme à cette première tentative. C'est donc 10 ans plus tard qu'un programme commun prend réellement forme. En mai 72, Richard Nixon se rend à Moscou pour une visite officielle de plusieurs jours. Il doit y rencontrer Léonid Brejnev, bien sûr, le numéro un soviétique, et signer une série d'accords sur des questions politiques, économiques et stratégiques. Le 24, et alors que le monde attend l'annonce de la signature des accords SALT I sur la limitation de l'arsenal nucléaire, c'est d'abord un programme de coopération spatiale qui est officialisé. Le voyage du président Nixon à Moscou, ce matin, le chef de l'exécutif américain a déposé une couronne aux soldats inconnus soviétiques et il a repris ensuite ses entretiens au Kremlin avec messieurs Brejnev, Podgorny et Kosygin. Hier, la troisième rencontre avait duré près de 3 heures et avait été, paraît-il, consacrée en partie au Vietnam. On pense que ce matin, les 4 hommes ont surtout évoqué l'Europe. Ce qui est certain, c'est qu'un troisième accord va être signé aujourd'hui. Il porte cette fois-ci sur la coopération dans le domaine spatial. Hier, déjà, vous le savez, Américains et Soviétiques avaient trouvé un terrain d'entente dans le domaine de l'environnement et le domaine médical. De Moscou, Victor Frantz. Baptisé ASTP pour Apollo Soyuz Test Project, ce programme commun est autrement plus ambitieux que celui voulu par le tandem Kennedy-Khrouchtchev 10 ans plus tôt. Cette fois, il ne s'agit pas de simple échange de données, mais bien d'un rendez-vous dans l'espace. La date de la rencontre en orbite est fixée 3 ans plus tard, à l'été 1975. Un accord qui ne tombe pas du ciel, si je puis dire. Cela fait plus de 2 ans que les responsables des agences spatiales américaines et soviétiques discutent, dans le plus grand secret des contours de la mission. Officiellement, il s'agit de réfléchir à un processus de sauvetage d'astronautes en péril. Mais en réalité, cette rencontre revêt surtout un enjeu diplomatique majeur. Elle doit être le signe de l'apaisement des relations américano-soviétiques. Pour qu'elle puisse voir le jour, les obstacles à franchir sont nombreux. D'un point de vue technique d'abord, la simple question de l'amarrage est l'une des plus complexes à résoudre. La norme dans une telle opération est alors l'emboîtage d'une partie dite mâle dans une partie femelle. Problème, aucun des deux pays ne consent à jouer le second rôle, le mâle ou la femelle. Voilà la question spatiale genrée. Il faut donc inventer un tout nouveau moyen d'amarrer les deux vaisseaux. Après plusieurs mois de discussion, les ingénieurs des deux agences se mettent finalement d'accord sur un système d'amarrage dit « androgyne », grâce auquel Américains comme Soviétiques joueraient la même partition. Voilà le premier exemple d'une longue série de compromis. Il y a aussi les différences de conception entre un vaisseau Soyouz, Union en français, quasiment entièrement automatisé, dont l'autonomie n'excède pas quelques jours, et une capsule Apollo, dont le fonctionnement repose surtout sur le pilotage des astronautes, capables de réaliser des séjours de plusieurs semaines dans l'espace. On doit également résoudre la question de l'équilibrage atmosphérique entre les deux engins, de la communication entre les centres de contrôle de Houston et Baïkonour, bref, rien n'est simple. Mais cette mission tient aussi au bon fonctionnement de l'aspect humain et à la capacité qu'auront les astronautes et cosmonautes à travailler ensemble. Côté américain, on connaît déjà la composition de l'équipage qui s'envolera pour la rencontre. Le commandant du vaisseau est Thomas Stafford, déjà présenté. Il y a aussi Dick Slayton, membre des Mercury 7, la première promotion d'astronautes sélectionnée en 1957. Le troisième membre d'équipage est Vance Brandt. Côté soviétique, on temporise avant d'annoncer qui sont les cosmonautes sélectionnés pour embarquer à bord de Soyouz. En mai 73, les équipes de la NASA et de l'agence spatiale russe sont présentes à Paris pour le salon de l'aéronautique et de l'espace, au Bourget. Et là, ils viennent présenter au monde les contours de la mission ASTP. Ce jour-là, les journalistes français Jean-Pierre Chappelle et Léon Zitrone interrogent l'un des cosmonautes pressentis pour s'envoler en 1975. Nous sommes ici dans le pavillon commun américano-soviétique, au pied de l'ensemble Apollo-Soyouz, qui sera lancé en juillet 1975. Et ici, l'équipage russe qui se trouvera à bord de la cabine Soyouz, Léon Zitrone, présentez-les-nous. Eh bien, je voudrais présenter d'abord le colonel Leonov, qui est le premier piéton de l'espace. Вы английский язык изучаете? Est-ce que vous essayez d'apprendre l'anglais pour parler là-haut? Буду изучать. Il va l'apprendre. Je voudrais poser une question, colonel Léon, si vous pouvez traduire. Est-ce que l'équipage officiel de Soyouz pour ce vol commun est désigné? Значит, конкретно еще не назначены. Ils n'ont pas encore été désignés. Но, est-ce qu'il espère voler? Я думаю, это не проблема. Ce n'est pas un problème du tout. D'où est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez être là-haut? Quelques jours plus tard, la décision soviétique tombe. Alexei Leonov, le premier homme à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire sur Vostok, Est en français, est bel et bien sélectionné pour la mission ASTP. Il est d'ailleurs désigné commandant de la capsule Soyouz. Il est accompagné de Valery Kovasov, ingénieur de vol et lui aussi cosmonaute expérimenté. Une fois les équipages choisis, la préparation de la mission débute réellement. Et pour parvenir à mener à bien cette mission, les équipages multiplient les échanges. Dans un souci de bonne entente et pour éviter de causer un trouble diplomatique, toujours, certaines règles sont établies. La première d'entre elles concerne la communication entre les astronautes. Pragmatique, les équipes décident dans un premier temps que chacun parlera sa langue. Un bon moyen de soigner les relations entre les deux délégations. Mais il faut se rendre à l'évidence, il est impossible pour les Américains d'apprendre le russe en aussi peu de temps, et le constat, bien sûr, est le même du côté soviétique. C'est alors que Thomas Stafford, et l'un des membres de l'équipage de Soyouz, propose une autre solution. La langue a été un vrai problème, parce que personne dans les équipages ne réussissait à parler la langue des partenaires. Nous avons finalement décidé que pour toutes les commandes majeures, les séquences importantes, nous les parlerions russe et eux parleraient anglais. Il s'avère que cela a très bien fonctionné parce que quand vous parlez une langue étrangère, vous avez tendance à parler plus doucement et plus distinctement. En ouvrant le sas, en augmentant la pression, en baissant la pression, nous parlions russe, ils parlaient anglais. Maintenant que la question de la langue est réglée, l'équipe américano-soviétique se met au travail et commence à préparer le déroulement de la mission. À la fin de l'année 73, la délégation américaine se rend pour la première fois à la Cité des Étoiles, le centre des cosmonautes soviétiques, situé à quelques kilomètres de Moscou. C'est l'occasion pour les équipes de la NASA de découvrir le fonctionnement de la capsule Soyouz et de se familiariser avec les procédures propres à l'agence spatiale soviétique. Mais malgré la bonne entente entre les deux équipes, la réalité géopolitique continue de se faire sentir. La situation internationale reste extrêmement tendue. Et le Kremlin ne compte pas laisser les astronautes américains sans surveillance. Ils sont en permanence suivis et leurs chambres d'hôtel sont truffées de micros et de caméras, on ne se refait pas. Et cette méfiance est partagée outre-Atlantique. Lorsque ce sont les Soviétiques qui se rendent à Houston quelques semaines plus tard, il découvre dans les locaux de la NASA des petites affichettes sur lesquelles sont écrits des messages d'avertissement du genre « Prenez garde, les Russes arrivent ». Stafford, Slayton et Brandt ont également été briefés par des responsables de la CIA. Mais l'équipe est imperturbable, ce sont des scientifiques et l'ambiance est au beau fixe. Les uns comme les autres progressent dans leur communication, le plan de la mission s'affine jour après jour. Ce premier séjour en terres américaines est aussi l'occasion de se prêter au jeu de la communication. Les deux grandes puissances comptent bien capitaliser sur cette rencontre pour apaiser la situation diplomatique. Alors, astronautes et cosmonautes donnent de leur personne devant les caméras de télé. Pour préparer la mission, les équipages soviétiques et américains passent beaucoup de temps ensemble. Qu'il s'agisse d'entraînement formel, d'apprentissage de la culture des partenaires, en apprenant à connaître les hommes eux-mêmes. Aux États-Unis, je veux visiter Hollywood. Alexis Leonov, commandant du Soyouz. Parce que je veux devenir une star de cinéma. Colonel dans l'armée de l'air soviétique. Non, je ne veux pas. Tom Stafford le veut. En avril 1975, Stafford, Slayton et Brandt se rendent une dernière fois à Moscou avant de décoller pour l'espace. Une fois les dernières réunions terminées, les astronautes américains demandent à voir la vraie capsule Soyouz dans laquelle voyageront Koubassov et Leonov, logique. Mais comme lors des précédents séjours, on ne les laisse travailler que sur des répliques. Le commandant d'Apollo a beau expliquer aux responsables soviétiques qu'aucune de ces doublures ne permet d'appréhender le vrai modèle. Rien n'y fait. Il fait face à un refus catégorique. Et puis de toute façon, le Soyouz se trouve déjà à Baïkonour, où il va bientôt être installé sur la fusée. Et il est hors de question que les Américains s'y rendent. Aucun d'entre eux n'a jamais mis les pieds sur cette base de lancement, et pour cause, c'est un site militaire hautement stratégique où les Soviétiques développent leurs missiles intercontinentaux. Thomas Stafford menace alors d'annuler la mission. Grâce à l'aide d'Alexis Leonov et de Valérie Koubassov, Léonid Brejnev finit par accepter. Et le 28 avril 1975, les astronautes américains se rendent dans les steppes kazakhs, ce qui est une grande première. Voilà, maintenant, tout est prêt. Stafford, Slayton et Brandt rentrent aux États-Unis pour se préparer au décollage. We have taken the environmental control system off external. We've gone on internal with the environmental control of the spacecraft. 2 minutes and counting. We are still go. Mardi 15 juillet 1975. À près de 11 000 km de distance, les centres spatiaux américains et soviétiques entament les dernières étapes avant le début de la mission Apollo-Soyuz Test Project. Les deux fusées doivent décoller à quelques heures d'intervalle avant de se retrouver 2 jours plus tard pour la rencontre en orbite. À midi et 20 minutes, très précise, la fusée Soyuz décolle des plaines d'Asie centrale. Puis à 19h50, c'est la fusée Saturne 1B qui s'envole de Cap Canaveral en Floride. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. The tower is clear. Houston is controlling. Le 19 juillet, Apollo rattrape Soyuz sur son orbite à 230 km d'altitude. La capsule américaine se trouve alors à quelques mètres seulement du vaisseau soviétique. Et à 19h12, Thomas Stafford et Dick Slayton réussissent la capture de Soyouz. L'étape 23 du programme, celle de l'équilibrage des atmosphères, peut alors être lancée. À quelques minutes de l'ouverture du sas et de la poignée de main historique, les cosmonautes soviétiques et les astronautes américains allument leurs caméras et commencent à diffuser les images à la télé. C'est la toute première fois que les soviétiques retransmettent en direct une mission spatiale. À 19h17, le moment qu'ils ont tous répété se produit enfin. Well done, Tom. It was a good show. They are looking forward now to shaking hands with you on in both Soyuz. What a show. Hakrivay, you look free. Apollo Soyuz, la rencontre et surtout la fameuse poignée de main historique ont eu lieu comme prévu. Après avoir ouvert le SAS, c'est-à-dire la porte qui fermait le tunnel de communication entre les deux cabines, le commandant d'Apollo, Thomas Stafford, s'est engagé dans ce tunnel. Le commandant de Soyuz, Valéry Koubassov, est venu à sa rencontre. Et tout cela dans une ambiance plutôt bon enfant, Daniel Saint-Amont. Une ambiance très détendue à Houston pour ce rendez-vous. Nous avons suivi à la télévision la progression des Américains dans le tunnel, puis l'ouverture du SAS, derrière lequel Leonov et Koubassov attendaient leurs deux invités. Sourire, poignée de main, on vivait alors un événement unique dans l'histoire de l'espace. À Après l'ouverture du SAS, Leonov, Stafford, Slayton, Kubasov et Brandt peuvent passer à la réalisation de la mission. Elle comporte plusieurs volets. Le premier est évidemment scientifique. Ensemble, et en naviguant de module en module, les astronautes américains et les cosmonautes soviétiques réalisent une série d'expériences. Il s'agit aussi de qualifier le nouveau système d'amarrage pour valider la procédure de sauvetage international. Cette mission est toujours aussi médiatique. Du côté soviétique comme du côté américain, on a confié des caméras de télé aux équipages. Durant les deux jours de mission conjointe, ils se filment en permanence, inventant la télé-réalité, en quelque sorte. Car tout est prétexte à une petite scène filmée, qu'il s'agisse de la découverte de la capsule partenaire, du premier dîner conjoint ou d'interview avec les équipes au sol. Dans ce moment symbolique, Ford et Brezhnev se fendent de déclarations publiques et de messages adressés aux hommes de l'espace. Après un message en anglais du numéro 1 soviétique, le président américain félicite à son tour les équipages. Messieurs, laissez-moi vous faire part de ma très grande admiration pour votre travail acharné et votre implication totale dans la préparation de ce premier vol conjoint. Il nous a fallu des années pour ouvrir cette porte vers la coopération spatiale entre nos deux pays. Et je suis certain que grâce à ce vol, nous sommes proches du jour où des missions conjointes seront monnaie courante. En conclusion, je vous souhaite un atterrissage en douceur. Après une dernière manœuvre d'entraînement à l'amarrage, il est temps de mettre fin à la mission. Le 19 juillet 1975, la capsule Soyouz se libère d'Apollo et entame sa descente vers la Terre. L'équipage américain, lui, doit rester encore deux jours en orbite, le temps de terminer quelques expériences. La mission, qui s'est alors déroulée conformément au plan de vol, connaît pourtant une fin qui aurait pu être tragique. Le 24 juillet, lors de leur descente dans l'atmosphère, les astronautes américains subissent une anomalie technique qui les expose à des gaz toxiques. Les trois hommes perdent conscience, ils sont hospitalisés deux semaines dans un hôpital d'Hawaï. Il faudra attendre 20 ans tout juste, et le début du programme Shuttle Mir pour voir des Américains et des Russes se retrouver à nouveau dans l'espace. Mais l'héritage laissé par la mission ASTP est immense. D'un point de vue technique d'abord, le système d'amarrage androgyne développé pour cette mission est devenu la norme internationale, oui, permettant certains sauvetages d'astronautes en péril, mais aussi la mise en place de programmes conjoints dont la Station spatiale internationale est aujourd'hui l'héritière et l'illustration. D'un point de vue politique également, elle a ouvert la voie à 30 ans de cohabitation et de travail conjoint en orbite. En parvenant à mettre sur pied un programme commun au plus fort de la guerre froide, les deux grandes puissances ont démontré que l'espace est devenu un sanctuaire devant s'affranchir des conflits terrestres. D'un point de vue humain, enfin, la mission Apollo-Soyouz a contribué à nouer des liens forts entre les astronautes et les cosmonautes. L'amitié réelle entre les commandants Leonov et Stafford a ouvert la voie à celle développée par les futures générations qui vont explorer l'espace. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mission Apollo Soyouz, dont nous parlons avec notre invité Michel Tognini. Bonjour. Bonjour. Ancien spationaute de l'agence. Alors on dit spationaute pour les Français, cosmonaute pour les Russes et astronaute pour les Américains, je crois que c'est là. Et taïkonaute pour les Chinois. Mais je suis taïkonaute, toujours... oui, c'est vrai. Et je suis toujours astronaute, mais je suis ancien chef du centre des entraînements des astronautes européens. Bien. Et d'abord, justement, quel est votre regard, vous, l'astronaute international, parce que vous avez volé avec d'autres collègues de nationalités différentes, quel est votre regard sur cette mission Apollo-Soyouz et le souvenir que vous en avez, à la fois votre regard distancié et aussi votre souvenir personnel? Alors moi, c'est une mission qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, d'autant plus que j'étais très ami avec Alexis Leonov, puisque j'habitais dans le même immeuble que lui pendant 4 ans. Donc j'étais vraiment, c'était mon voisin de palier. Pour quelle mission ? Alors c'était pour la mission Antares et mission Auragaz. La mission Auragaz, donc je suis arrivé en 1986 à la Cité des Étoiles avec Jean-Luc Chrétien, et pour la mission Antares en 1991 avec Jean-Pierre Ignoré. Et à chaque fois, j'étais toujours le voisin de palier de Leonov. Donc, il pouvait venir chez moi taper pour avoir un peu de poivre, un peu de sel, ou vice-versa. Donc, c'est formidable, vous êtes en train de nous parler d'un homme qui a marché dans l'espace, mais il a cherché du sel. J'adore ce prosaïsme. Oui. J'avais également, dans l'immeuble où j'étais, la famille de tous les cosmonautes célèbres qui étaient russes, dont la famille de Gagarine également, qui était là. Donc j'ai rencontré tous les jours. Donc c'était quand même assez émouvant. Et on avait une fibre assez commune avec Leonov, donc je m'entendais bien avec lui. Et j'ai connu aussi Tom Stafford. Et ce que je peux vous dire, et ce qui ressort très très bien de votre exposé avant, c'est que c'est une mission qui s'est faite humaine. On peut réfléchir sur le plan philosophique sur le fait que si on avait fait une mission de jonction de 2 véhicules russes et américains, soviétiques et américains, automatiques et non pas habités, les relations entre les soviétiques et les américains n'auraient pas été celles qu'elles sont, qu'elles ont été par la suite et qui ont permis de faire cette station spatiale internationale. Donc, quelque chose de très important. Ce qui s'est passé également, c'est que les deux personnes principales, qui sont Leonov et Stafford, étaient quand même des anciens pilotes de chasse, des gens qui étaient un petit peu... qui étaient des gens rigolos, qui avaient le sens de l'humour, qui avaient le sens de l'innovation, et qui sont restés amis jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans les 5 qui ont volé ensemble, je connaissais bien Kubasov, c'était mon partenaire de tennis, donc je joue au tennis pratiquement tout le week-end avec Kubasov. Lui était moins intéressé par cette mission conjointe, mais Stafford et Leonov sont restés amis jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Leonov en 2019. Et je peux vous dire que chaque année, Leonov s'arrêtait à Paris parce qu'il prenait l'avion pour aller rejoindre son copain Stafford pour passer des vacances ensemble et vice versa. Je les ai toujours vus ensemble. Il y avait Slayton aussi, Dick Slayton, n'est-ce pas lui qui est devenu le chef des astronautes après Apollo ? Exactement. C'est lui, avec Shepard d'ailleurs. C'est lui qui est le chef des astronautes et c'est lui qui a donné cette phrase à le Lord de Apollo 13 en disant « Je pense que ça va être la pire catastrophe qu'on ait jamais eue pour Apollo 13 » et c'est là que Gene Kranz a dit « Sauf le respect que je vous dois, je pense que ça va être notre heure de gloire. » Donc Dick Slayton est également impliqué sur Apollo 13. Et Gene Kranz était le chef des opérations pendant le vol au sol avec son gilet toujours. Il mettait le gilet blanc pour les grandes occasions. Exactement, parce qu'il y avait deux teams, et le team blanc et le team d'autres couleurs. Donc voilà. Donc une mission très importante et ce que vous avez dit sur le mât androgyne a eu plusieurs versions. La première version, c'était la version qui a servi à Apollo Soyuz, parce qu'effectivement, il ne fallait pas qu'un véhicule soit mâle ou femelle, parce que les journalistes auraient vraiment fait beaucoup de buzz sur la partie mâle et femelle, et c'était interdit. Donc on a fait un mât hybride, hein, qu'on appelle androgyne, qui a servi après aux missions Shuttle Mir, et qui sert aujourd'hui pour les missions sur l'ISS. Donc quelque chose de très important. Et moi, je suis je trouve que c'est très important, parce que moi, j'étais ami avec le Russe qui a inventé ce système d'arrimage, qui est Vladimir Serebetnikov, qui était un bon ami à moi, qui m'a fait passer mes examens sur le mât d'arrimage du Soyouz, et qui a inventé ce système qui était ni mâle ni femelle, qui permettait de bien s'imbriquer sur un mât sur un mât qui était androgyne. Puisque vous parlez des hommes, donc la dimension humaine de cette aventure scientifique, on rappelle que Stafford vient pas de nulle part. Hein. Gemini 9, déjà, grosse mission. Et surtout Apollo 10, alors, qui était une mission étonnante, parce que les trois astronautes, il y avait Cernan aussi avec lui, se sont approchés de la Lune, mais il n'était pas prévu qu'ils s'y posent, alors qu'ils étaient tout prêts. C'était incroyable, cette mission. Une mission, oui, très importante, incroyable, et qui va ressembler d'ailleurs aux missions Artemis qui auront lieu bientôt, puisque les premières missions ne se poseront pas sur la Lune. Bien, on va parler de l'avenir de l'espace avec vous, Michel Tonini, bien sûr, après avoir écouté Jeanne Haddad. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas, tout ne va pas bien, mais ce n'est qu'un au revoir, au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas, le contraire de tout n'est pas rien. Je sais. Michel Tonini, un dernier mot sur les équipages. Vous disiez que Leonov et Kubasov faisaient partie du gouvernement. Ils n'étaient pas ministres, mais conseillers au sein du gouvernement. Leonov et Stafford étaient membres de leur gouvernement respectif. Donc, quand il y avait des choses importantes à faire remonter à la plus grosse instance du gouvernement, ils le faisaient avec une continuité, parce qu'eux, ils restaient longtemps alors que les présidents changeaient. Circuit court. Parfait. Vous qui avez voyagé à bord de la navette spatiale américaine, vous avez séjourné à bord de la station russe Mir. Est-ce qu'à chaque fois vous aviez cette idée en tête, ce souvenir d'Apollo Soyouz en tête? Est-ce que vous vous sentiez l'héritier de ça? Alors, pas vraiment, parce que lorsque j'ai fait mon premier vol sur la station Mir, j'étais parti pour faire cette mission, pour préparer le programme Hermès, qui était la navette spatiale européenne. Donc, il fallait que les gens comme moi, qui étaient pilotes d'essai, puissent faire un vol dans l'espace pour mieux appréhender les essais en vol de cette navette. Et quand je me suis posé en 92, le programme de la navette Hermès européenne a été annulé, a été abandonné, mais les Russes ont signé l'accord de coopération sur la station ISS en 93, et avec Jean-Luc Chrétien, nous sommes partis à la NASA pour aider un petit peu ce rapprochement entre Russes et Américains pour travailler sur l'ISS. Et c'était pas évident parce que lorsqu'on est arrivé en 95 à la NASA, les profs, les anciens profs qui étaient Américains disaient « Cette station avec les Russes, nous la ferons jamais, ce sont nos ennemis à vie, on n'en veut pas ». Donc il a fallu quand même des petits noyaux de personnes visionnaires, et chez les Russes et chez les Américains, qui y croyaient et qui pensait à cette vision commune d'avoir un drapeau Terre sur la Lune à la place d'un drapeau national. Bon, et il fallait qu'il y ait d'autres nations qui jouent un peu les intermédiaires, comme la France finalement. La France est maintenant, on peut dire, une puissance spatiale, on peut le dire maintenant. Oui, alors la France travaille dans l'ISS au travers de l'Agence spatiale européenne, donc c'est l'Europe. C'est l'Europe, oui, au sein de l'Europe, c'est ça. C'est au sein de l'Europe, donc nous sommes contributeurs de l'Agence spatiale européenne, et c'est l'ESA qui va participer en partenaire avec la NASA, le Japon, le Canada, la Russie, pour cette station spatiale, avec un quota de pourcentage financier en barter, qui permet d'avoir des vols d'astronautes. C'est pour ça que nous avons des astronautes européens qui volent dans la station spatiale régulièrement. Et vous avez raison de parler de l'aspect financier. Ce genre de coopération internationale, c'est une mutualisation des coûts, en fait. Oui, parce que grâce à ça, par exemple, nous volons dans l'espace avec des gens comme Thomas Pesquet ou tous les autres astronautes européens pour un budget de 1 euro par an et par européen. Alors, cette histoire, Apollo Soyouz a un écho particulier, là, cette année, pour plusieurs raisons. D'abord, la guerre en Ukraine. Malgré ce conflit, c'est quand même formidable, on voit que la coopération spatiale perdure, puisqu'un Russe va bientôt s'envoler à bord d'une fusée américaine, SpaceX, en direction de la Station Spatiale Internationale, ce qui n'était pas arrivé depuis. Déjà, comment on peut expliquer ça? Ça veut dire que l'espace est un espace de paix, ça transcende les problèmes de la Terre, c'est ça? C'est presque sa vocation, d'ailleurs, d'un point de vue philosophique, ça tient. Oui, c'est un espace protégé, et d'autant plus que Américains et Russes, en particulier, ont mis quand même des sommes d'argent considérables dans cet objet spatial, et donc il était impensable qu'on ne puisse pas y être en permanence. Et ce que nous faisons aujourd'hui, hein, ce qui est assez nouveau d'ailleurs depuis cette guerre en Ukraine, c'est que nous avons toujours un Russe qui va décoller sur le vaisseau américain, ouais, SpaceX, et toujours un Américain qui va décoller sur le Soyouz. Pourquoi? Parce que si un des deux vaisseaux tombe en panne, pour une raison ou pour une autre, pour un accident par exemple, eh bien on pourrait continuer à alimenter cette station spatiale avec cosmonautes russes, astronautes américains en permanence. Donc on a besoin de cette dualité d'arriver dans l'espace. Et dans le même temps, la Russie a récemment, alors je suis pas sûr qu'il y ait un lien avec la guerre en Ukraine pour le coup, a récemment annoncé quitter le partenariat de l'ISS à l'horizon 2024, alors que la fin de vie de l'ISS, et la station est programmée à 2030. Pourquoi ils partent, vous qui les connaissez bien? Alors, ils ont dit au départ qu'ils allaient quitter la station tout de suite. Juste le lendemain de la guerre en Ukraine, et après ils se sont ravisés, et là j'étais en conférence avec les Russes pour l'anniversaire de mon vol Antares qui a eu lieu la semaine dernière, il y a environ 4 jours, et là ils ont annoncé qu'ils allaient continuer la coopération sur l'ISS jusqu'en 2030, voire 2031. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au maximum de la station spatiale, parce que cette station spatiale, elle est faite dans une condition de divorce difficile. Pourquoi? L'énergie électrique vient du segment américain, et le segment russe a besoin de beaucoup d'énergie électrique, donc ils ont besoin l'un de l'autre. Le remontage de la station, c'est que la station descend de 500 mètres par jour, donc il faut la rebooster, la remonter régulièrement, et les moteurs se trouvent du côté russe également. C'est-à-dire, sans les Russes, la station tomberait et s'écraserait sur la Terre, et sans les Américains, la station n'aurait pas l'énergie électrique nécessaire à tous les moyens qui sont à l'intérieur. Bien sûr qu'on pourrait trouver des moyens de compensation, on pourrait remonter la station avec des SpaceX, et on pourrait trouver de l'énergie électrique avec d'autres panneaux solaires à rajouter, mais c'est pas vraiment l'idéal pour le travail optimum dont on a besoin pour des matériels scientifiques qui sont vraiment très sophistiqués. L'espace est entré dans une nouvelle ère, on peut le dire, même s'il y a eu plusieurs nouvelles ères, hein, les unes après les autres, là, avec de nouveaux acteurs, notamment la Chine. C'est un acteur, alors, la Chine devient un acteur important pour toutes les activités du monde, c'est clair. Pour l'espace aussi. Pour l'espace aussi, ils ont, on a été invité dans le centre spatial chinois, hein, quand il était au nord de Pékin. On a visité le centre d'entraînement des astronautes. Moi, je suis très copain avec Yong Liwei, qui est le premier taïkonaute qui a volé dans l'espace. Ils ont copié quand même à 90% le système russe, mais sans le cacher, ils ont même payé un entraînement pour plusieurs taïkonautes en Russie, à la Cité des Étoiles. Ils se sont inspirés de leur système pour faire des stations spatiales. Ils ont fait la station Tiangong 1, puis 2, puis 3, et ils vont tout doucement faire une station autour de la Lune et sur la Lune. Et donc c'est vrai que là aujourd'hui, on ne peut pas dire qui seront les premiers autour de la Lune, mais avec la mission Artemis, on sent que les Américains ont pris une sérieuse avance. Avec, donc là, c'est quand même un bon pas, mais il manque le lander, il manque l'atterrisseur lunaire qui n'est pas encore prêt du côté américain. Donc les Chinois peuvent toujours rivaliser. En tous les cas, dans moins de 10 ans, il y aura des vaisseaux qui seront sur la Lune, premièrement américains, et je pense les Chinois juste derrière, mais pas loin derrière. Ça ressemblera au LEM ou pas, à votre avis? Alors ça va être différent comme système. Parce on rappelle, hein, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément connaissent pas forcément les détails de tout cela, le LEM, c'était le module lunaire, hein, oui. C'était espèce d'araignée avec ses pattes là comme ça qui se posait sur la Lune. Qui était en deux morceaux, une partie qui restait sur la Lune, une partie qui redécollait de la Lune avec un petit propulseur en une fois. Donc là il y a plusieurs options. D'abord il y a cette station qu'on appelle Gateway qui sera une station autour de la Lune qui va permettre de survoler la Lune en permanence sur un axe polaire, de manière à pouvoir se poser sur les points intéressants de la Lune, sur n'importe quel point de la Lune, entre le pôle Nord, le pôle Sud, même l'équateur, et grâce à la rotation de la Lune, eh bien on peut se poser sur n'importe quel point, latéralement également sur la Lune. Donc c'est vraiment une station qui est très intéressante. Donc il y aura des atterrisseurs et des atterrissages qui vont se faire régulièrement et de remonter sur la station Gateway, et ensuite, lorsqu'on aura trouvé un point intéressant, qui peut être le pôle sud, par exemple, qui a beaucoup de glace très importante, faire des stations lunaires qui seraient des stations moitié métalliques, moitié gonflables. Et d'ailleurs, les Français, avec le CNES et avec Jean-Jacques Favier, ont un projet de stations gonflables sur la Lune pour faire une économie sur le poids d'accès à la Lune et également une économie sur le montage global de ces stations lunaires. Quel horizon ? Bah, c'est toujours pareil, c'est environ dans 10 ans, mais disons que ça, c'est vraiment faisable parce que on sait qu'on peut tenir la dose de radiation que nous allons avoir lorsque nous allons dépasser les ceintures de Van Allen. Donc on peut tenir jusqu'à 45-50 jours environ pour aller sur la Lune. Et c'est vraiment nécessaire d'aller sur la Lune, même sur cette station Gateway, pour étudier en particulier les radiations solaires, qui nous permettront, une fois qu'on les connaîtra bien, d'envisager le voyage vers Mars. 1700 satellites dans l'espace il y a 4 ans, 6000 dans 3 ans. Je ne sais pas si on peut parler d'encombrement, ça pose un problème ou pas ? Oui, ça pose un problème parce que certains satellites tombent en panne, donc ils deviennent dangereux, ils perdent leur trajectoire, ils peuvent être en collision avec un autre satellite. Ah oui. Et lorsque deux satellites rentrent en collision, ce sont des milliers de débris, chaque débris étant potentiellement dangereux, donc il y a un problème. Donc aujourd'hui, ce que nous avons, et je travaille avec des start-up françaises hein, qui s'appellent Shanghai Space, pour savoir comment protéger les satellites des débris, de manière à faire des manœuvres d'évitement à l'avance, lorsque le satellite arrive proche d'un débris. Et aussi, chaque partenaire d'un débris, enfin chaque partenaire d'un satellite, doit être capable de pouvoir modifier son satellite jusqu'à la dernière minute, quitte à le déorbiter si jamais il y a un problème assez grave. Dernière chose, est-ce que, avec tout ce qu'on sait faire dans l'espace, est-ce qu'on militarise l'espace ? Alors nous, nos missions, elles ne sont pas tellement militaires, elles sont des missions d'observation, mais il faut savoir que lorsque vous lancez un satellite dans l'espace, tous les moyens qui sont à l'intérieur du satellite ont déjà été un petit peu travailler par ce que nous avons fait dans l'espace au niveau des vols habités. Donc, il y a une commonalité un petit peu entre les plateformes civiles et les plateformes militaires. Michel Tonini, merci infiniment pour toutes ces explications. Tiens, je vous fais une promesse, à vous comme à toutes les auditrices et tous les auditeurs d'Affaires Sensibles, nous raconterons Apollo 8 parce que nous y tenons dans quelques semaines, parce que c'est, à mon avis, peut-être la plus romantique, voire la plus romanesque de toutes les missions Apollo. Elle était merveilleuse. Noël 68, les terriens découvrent la Lune. C'est qu'à de lire. C'est-à-dire qu'on voit la Lune grâce aux caméras. Et Frank Borman récite la Genèse. Il est tellement ému vous êtes commandant de bord, hein, oui. Les Récits de la jeunesse. C'est un moment extraordinaire que nous prendrons un plaisir extraordinaire à vous raconter dans Affaires Sensibles. Et je vous dis à très bientôt sur Apollo 8. Cette affaire sensible aujourd'hui, Apollo Soyouz, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique, aux commandes et au joystick, il y avait aujourd'hui le commandant Arnaud Caillet.